osakotika mokili oyo divorce yango ne différence ya libala c'est la vie suka na yango nde terminise mama suka bipale pe bampasi nake nake Adamu na Eva mpwando Deception Osakotika mokili oyo Divorce Yangone diference alibala C'est la vie Suka na yangone terminise Mama Suka bipale pe bampasi Nake Nake Salaka, Sukana Yango, Terminis. n'était pas là.